Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Ce soir, on est vendredi et qui dit vendredi dit billet de sortie. Florilège, comme d'habitude, d'annonce d'événements à venir dans le secteur pour le week-end et la semaine, bien entendu. Et quelques interviews et des musiques choisies avec soin pour vous en espérant qu'elles vous plaisent. Et on va déjà commencer, comme d'habitude, avec un premier morceau intitulé « On n'a pas fini de rêver » de Daphné. Thank you. chair en effet, de frissons, de miel trouvé. On n'a pas fini de rêver, nul ne peut nous arrêter. On n'a pas C'était Daphné pour On n'a pas fini de rêver et le billet de sortie peut enfin commencer. On va débuter comme on a l'habitude de le faire avec la rubrique utilitaire. Et oui, le don du sang est encore dans les Vosges jusqu'à la fin du mois. Donc le samedi 24 novembre, l'établissement français du sang sera à la salle des fêtes de Vanier de 8h30 à midi puis de 15h à 18h30. Mardi 27 novembre, ils se trouveront à la salle polyvalente de Saulsure-sur-Moselotte de 16h à 19h30. Puis mercredi 28 novembre à la salle des fêtes de La Marche de 16h à 19h30. Enfin, vendredi 30 novembre, ils seront au grand salon et salon des mariages de l'hôtel de ville de Remiremont de 8h30 à midi et de 15h30 à 19h30. Et toujours le vendredi 30 novembre à la salle polyvalente de Châtel-sur-Moselle de 16h à 19h30. Voilà, cette première partie utilitaire est déjà terminée, parfois ça va vite. Et avant qu'on se retrouve dans la rubrique suivante, je propose une petite auto-publicité pour notre cagnotte en ligne, suivie d'une pause musicale, le morceau Flicker de Sonda Arc. Savez-vous que Radio Guimauzo est une radio associative, non commerciale, libre et indépendante? Alors pour soutenir notre radio, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. En haut, à droite, un petit bouton bleu, faites un don via la plateforme de LOASO. Don déductible des impôts, donnez ce que vous voulez à partir de 2 euros. Toute l'équipe de Radio Guimauzo vous dit merci. Merci! Merci! Merci! Merci à tous! Merci! Merci. Merci. Et c'était Flicker de Sonda Arc. Vous êtes de retour dans le billet de sortie, dans la rubrique culture maintenant. Et cette rubrique culture va s'axer sur la Bresse, car en effet, il y a déjà depuis le 17 novembre et jusqu'au 13 janvier les photomontages surréalistes de Jacques Struss avec un regard doux amer sur la vie actuelle, en particulier sur les réseaux sociaux. Je le rappelle, l'entrée à la maison de la Bresse est entièrement gratuite. Ça c'est pour les photomontages de Jacques Struss et il est accompagné d'une deuxième exposition en parallèle du 17 novembre jusqu'au 14 décembre, Christophe Claudel, pour son exposition Animalement Vosges. Ce sont des photos très intimistes avec les animaux, avec la forêt. En tout cas, ça vaut le détour. Et pour ceux qui sont les amateurs du 20h04 de l'idée sans détour, et oui, c'est malheureusement déjà la dernière de l'année, et ils ont gardé le meilleur pour la fin, pour vous faire rencontrer des invités exceptionnels. En première partie, Claude Vautrin, juste pour voir et un peu plus, c'est un grand reporter de retour de Corée du Nord. Il évoquera les trous noirs de l'information, la vision géocaricaturale du monde et la nécessité d'aller voir pour témoigner. En deuxième partie, ce sera Mathieu Péché et Gauthier Claus, champion du monde de canoë biplace de l'an dernier, médaillé de bronze à Rio, mais forcé d'arrêter suite à la disparition de leur discipline en 2018. Les clapés sont aussi d'incroyables ambassadeurs des Vosges. En troisième partie, vous pourrez écouter Morgane Hirsch, fondatrice de l'association Mirador, car à travers son histoire personnelle qui l'a amenée au Chili en quête de son identité, elle expliquera comment notre capacité à comprendre l'autre est une des clés, ou même une clé, de résolution d'un grand nombre de conflits. Et pour la dernière partie, ce sera Jacques Struss, leur artiste de fin d'année, qui créera en direct des caricatures de spectateurs sur Photoshop. Ne soyez pas en retard car la soirée commence à 20h04 tapante. Pour rappel, rapidement, une soirée 20h04 de l'idée sans détour, ce sont 4 intervenants différents, dont un artiste, qui n'ont que 20 minutes chacun pour vous passionner, et la soirée se termine autour d'un verre pour échanger avec celui qui vous a le plus intéressé. En espérant que ça vous ait plu, que ça vous intéresse, on va se retrouver après une nouvelle pause musicale, le morceau Sœur jumeau d'Evelyne Gallet, et on se retrouve juste après. Du 3 au 18 novembre, la région Grand Est organise pour la première fois la quinzaine des librairies indépendantes. À cette occasion, venez rencontrer et discuter avec des auteurs, demander des dédicaces, participer à de nombreuses animations et découvrir de nouveaux livres. Du 3 au 18 novembre, poussez la porte des 40 librairies indépendantes qui participent à cette opération. Une organisation de la région Grand Est qui se livre et s'illustre. Plus d'infos sur www.grandest.fr. immense appétit de toujours colorier la vie aux petits travaux. On crée du beau dans tous les sens, ventre à terre aux petits travaux. Sœurs jumeaux, c'était Sœurs Jumeaux d'Evelyne Gallet. Vous êtes toujours dans le billet de sortie. Evelyne Gallet qui sera d'ailleurs en interview chez nous dans mon émission L'Heure des Loups lundi, je ne sais plus, je crois le 26 à 18h. Donc soyez présents si son univers vous a intéressé. On va continuer ce billet de sortie avec la rubrique concert. À commencer par un concert d'un autre temps, avec la chorale Renaissance de Saulsure, le chœur des maîtres chanteurs d'Épinal et le quatuor Alliance sous la direction de Michel Géin. Ils vous joueront du Mozart, les extraits du Requiem de Mozart, la Laudate Dominium et le Sancta Mater Dei, et aussi du Haydn pour les extraits des sept dernières paroles du Christ. Si ça vous tente, ce sera le dimanche 25 novembre, 2018 à 16h au temple protestant d'Épinal. L'entrée coûte 10€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. On va changer de registre avec la nuit du rock français à la Halle des Congrès de la Bresse organisée par l'association Music Live Events et Âme au Rock. Une soirée bien ambiancée avec le groupe Bijoux, le groupe Undervoid et un groupe hommage à Téléphone le vendredi 23 novembre à 20h. Ça c'est pour la nuit du rock français et les prix d'entrée sont de 15€ en pré-vente. Vous pouvez toujours aller sur la billetterie si vous m'écoutez le vendredi soir ou sinon sur place c'est pas à 20h, le concert coûte 20€ si vous prenez les billets sur place pour la nuit du rock français à la Halle des Congrès de la Bresse. Le comité des fêtes de Dommartin les Remiremont organise un concert à l'église de Dommartin avec la Banda Vera et les Firelitus le samedi 24 novembre 2018 à 20h30. Ce sera autour de la musique baroque et des instruments anciens. Le prix pour les adultes est de 8€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Jeudi 29 novembre 2018 à 20h30 au Théâtre Municipal Café Jazz avec Samson Schmitt, Johan Dupont, Joachim Yanaello, Rire avec Charlie. Donc Samson Schmitt fait de la guitare gypsy, Johan Dupont fait du piano trompette et Joachim Yanaello du violon. Rire avec Charlie. Charlie Chaplin, bien sûr, c'est une fête, une symphonie instantanée, puissante et belle, une convocation de talents rares qui va mettre tout le monde d'accord, et pour longtemps. C'est la rencontre de Samson Schmitt avec deux musiciens liégeois exceptionnels, Johan Dupont et Joachim Yanaello. Dans la galaxie Schmitt, Samson signe avec insolence la nouvelle histoire de la guitare manouche. Lyrisme, charme, puissance, inventivité, souplesse, générosité, tout y est avec le profond, le blending précis et la rythmique imparable. Ajoutez la virtuosité rappeuse et cuivrée du violon de Joachim, le génie swing et créatif de Johan Dupont et vous obtenez un cocktail de grande musique qui ne se cantonne nulle part. On accoste même la nouvelle rhapsodie, la bossa, le new jazz, l'andalousie. Un grand moment en perspective. Le tarif est de 20 euros pour le tarif plein et le tarif réduit de 10 euros. Les réservations et les renseignements se font auprès de isabelle.sartori@epinal.fr ou au 03 29 31 04 84. L'école intercommunale de musique invite l'orchestre d'harmonie de la Fédération musicale des Vosges le samedi 24 novembre à 20h30 à l'église du Val d'Ajol pour un programme empreint d'univers magique, Magic Lands. En première partie, les professeurs de l'école intercommunale interpréteront des morceaux et le concert sera donné au profit du Téléthon. Qui dit musique et concert dit forcément la souris verte. On va commencer par Dubioza Collectif qu'on a eu en interview très récemment, je crois que c'était mercredi. Donc Dubioza Collectif et Les Trois Fromages le vendredi 23 novembre à 20h30. Alors Dubioza Collectif est considéré comme le porte-parole officieux de la jeunesse de Bosnie-Herzégovine. Ayant grandi sous les bombardements de Sarajevo, ce collectif bosnien s'est forgé une solide réputation par des shows incandescents et un discours militant contre toutes les oppressions. Dans son cocktail combustible, Dubioza arrose le folklore bosnien des musiques actuelles. Hip-hop, metal, électro, dub, raga, ska et rock dans une fusion parfaitement calibrée pour dynamiser les scènes. Et les Trois Fromages, c'est un trio breton de rock'n'roll drôle. Willy, Eric et Thibaut qui vient de sortir son quatrième album, Maman, j'ai raté l'avion. On s'attend à y retrouver tout ce qu'on aime chez eux, des chansons au refrain entêtant, des paroles hilarantes, des explorations musicales inspirées. Les tarifs vont de 20 euros à 14 euros et c'est de 8 euros pour les moins de 14 ans. On va se retrouver après une nouvelle pause musicale, le morceau On part au loin de Undervoid, qui sera vendredi à La Bresse, et on se retrouve juste après. Ouverte des grands yeux. À chaque semaine suffit sa peine. Quand on se grise tous les week-ends, on part au loin. Téléporté sur les écrans, ce qui est bon et bien séant. Pour échapper au quotidien, pour se lever tous les matins. We'll be right back. frontière. Quand ton soleil sera poussière, va-t-on savoir s'en évader, entendre une voix s'élever. On part au loin pour en revenir à nos futurs. La fin du monde à fière allure. On n'est pas prêt d'être arrivé. Alors autant partir à pied. Et vous venez d'entendre le morceau « On part au loin » du groupe Undervoid qui sera le vendredi 23 novembre à la Halle des Congrès à la Bresse, je le rappelle, pour la nuit du rock français. Le billet de sortie peut continuer avec la rubrique « Festival ». Et oui, et à commencer par le cycle « Rencontre avec le Portugal » des médiathèques des Vosges, avec une soirée portugaise le samedi 24 novembre 2018 à partir de 20h. Dès 20h, en fait, vous pourrez découvrir O Fado Viajero, hein, c'est l'âme du peuple portugais, à travers le concert de Fado traditionnel O Fado Viajero avec Manuel Sanchez, Lucie Silva au chant, accompagné par les guitaristes Gabriel Gasser et Pierre Faller. Puis à 20h, Os Luzos, le groupe Os Luzos de l'association récréative portugaise de Saint-Étienne-lès-Remiremont investira la scène pour un spectacle de danse folklorique représentatif de la région du nord du Portugal, le Minho. Et tout au long de la soirée, l'association récréative portugaise proposera des spécialités locales et des rafraîchissements. Je rappelle, donc c'est dans le cadre de la rencontre avec le Portugal le samedi 24 novembre 2018 à partir de 20h à la nouvelle salle multi-activité de Saint-Étienne-lès-Remiremont. À propos, la médiathèque, elles organisent leur deuxième journée du jeu vidéo le samedi 24 novembre de 10h à midi, de 14h à 17h à Dommartin-lès-Remiremont. Chaque année, à l'occasion des journées mondiales du jeu vidéo, la médiathèque vous invite et invite tous les joueurs, occasionnels ou invétérés, à un rendez-vous vidéo ludique, familial et convivial dans l'une des médiathèques du réseau intercommunal. Cette deuxième édition met à l'honneur le Nintendo Labo, un concept permettant la fabrication d'accessoires de jeux avec du carton. Relevez leur défi robot en participant à leur concours et tentez de gagner un lot sympa. Et toute la journée, accédez librement à des conseils, à du jeu sur PC, à un casque de réalité virtuelle et venez piloter leur mini-robot avec une tablette. Je rappelle, pour la deuxième journée du jeu vidéo, le samedi 24 novembre de 10h à midi et de 14h à 17h à la médiathèque de Dommartin-lès-Remiremont. On les a eus en interview jeudi soir par téléphone et oui, le groupe Blondstone est dans le secteur pour le festival Rock au Lac à Gérardmer, pardon, à la MCL. Alors je ne vais pas vous en faire de plus longs discours, mais je vous rappelle assez brièvement les informations. Donc c'est à la MCL dès 21h, il y aura les groupes Aya, Blondstone et Blonda. Et les tarifs sont entre 10 et 12 euros pour le festival Rock au Lac à la médiathèque de Gérardmer. Un autre festival hein, en ce moment, c'est la saison. À nouveau, festival culturel, cette fois organisé par la Ligue de l'Enseignement. Pour en savoir plus, j'ai Gaëtan de la Ligue de l'Enseignement en interview et il nous racontera tout ça dans les meilleurs détails. La Ligue de l'Enseignement des Vosges organise pour la quatrième année consécutive le Festival Grand Angle numéro 4 qui a lieu du 19 au 30 novembre 2018. Quatre expositions y sont présentées, toutes sur la thématique du dérèglement climatique, du mouvement des populations qui en résulte. Pour en savoir plus, j'ai Gaëtan Sturzer de la Ligue de l'Enseignement au téléphone avec moi. Bonjour Gaëtan. Bonjour Lou. Alors, dis-moi, comment ça se passe ce quatrième festival Grand Angle ? D'ailleurs, oui, si c'est un quatrième, c'est que les autres se sont bien passés, j'imagine. Effectivement, et pour l'instant, ça se passe très bien. Nous avons commencé à accueillir des scolaires sur le festival. Nous avons également accueilli des jeunes de centres sociaux pour qu'ils rencontrent les artistes Luc et Vaïtéani, qui font partie du groupe éponyme Vaïtéani. Ça s'est toujours très bien passé. Les scolaires étaient très gentils, très attentionnés, très attentifs à ce qui se passait. Il y a eu un très bon contact avec les exposants. Enfin, c'était top. Pour le moment, tout s'est bien passé. Deux événements se sont déroulés depuis le début du festival. La table ronde s'est très bien déroulée, en présence de Gilliane Le Gallic, animée par Laura Ducassé, en présence toujours de Vaïtéani et de Luc, qui nous ont apporté un témoignage sur la situation des îles polynésiennes. Durant cette table ronde, nous avons accueilli très peu de grand public, mais en tout cas, les personnes qui étaient présentes se sont senties concernées et actives dans la présentation des problèmes climatiques et dans tout ce qui peut en découler aujourd'hui. Et ensuite, hier, ce jeudi, nous avons accueilli s'est déroulée l'inauguration du festival en présence de divers officiels, dont Monsieur Viry, Monsieur Narbin, Monsieur Heinrich est venu assister au concert de Vaïtéani qui a eu lieu juste après l'inauguration. Tous ces événements se sont bien déroulés dans la convivialité et dans la bienveillance des participants. D'ailleurs, dis-moi, pourquoi ce festival s'appelle Grand Angle ? Alors Grand Angle, en fait, on l'a nommé comme ça parce que on souhaite ouvrir, on souhaite sensibiliser les publics, notamment le grand public, à des situations spécifiques du monde qui sont peu connues. Et ces situations spécifiques, justement, on veut les ouvrir avec un grand angle. C'est pour ça qu'on travaille avec des artistes qui connaissent ces populations et qui ont l'habitude de les fréquenter. Et aussi pour être toujours dans une thématique d'ouverture culturelle, de découverte et de prise de conscience aussi de l'état de notre planète, parce que j'imagine que c'est aussi la thématique de ce festival. Absolument. Cette année, c'est vrai que la thématique est plus qu'actuelle, hein, changement climatique et mouvement de population. De fait, ça a été un travail aussi pour les artistes qui, eux, n'ont pas l'habitude d'œuvrer sur cette thématique. Ça a été un travail de recherche parmi leurs œuvres, parmi leurs photos, de savoir quelles photos pouvaient coller à cette thématique et aussi comment les problèmes des populations reflétaient, en fait, les problèmes du climat. Et du coup, à travers l'exposition de Jean-Pierre Valentin ou à travers l'exposition d'Étienne Géant, des Amis Lorrains du Laos, on se rend compte que des populations assez spécifiques et comme par exemple les nomades, les peuls nomades Wudabé, qui eux rencontrent les mêmes problématiques que nous, Européens, mais à une échelle différente et par des biais qui sont différents. Mais on retrouve des mots qui nous sont familiers, tels que individualisme, tels que corruption, surconsommation. Enfin voilà, tout ça, ce sont des choses qui réapparaissent même dans ces petites populations. Les Wudabé et les villages du nord du Laos sont nombreux, mais par rapport à d'autres chiffres, ils sont peu. Et ça, c'est alors déjà pour la thématique du festival. On a parlé des événements passés, mais il y a encore des événements auxquels il est possible de se rendre pour ceux que ça intéresse encore. Effectivement, mardi 27 se déroulera à 20h au Ciné-Palace d'Épinal la projection de Nouticopia. C'est un film documentaire réalisé par Corto Fajal qui vient présenter les Ticopiens, en fait, peuple qui vit en symbiose totale avec son île qu'ils considèrent comme vivante, envers qui ils ont des droits et des devoirs et qui en échange les accueille, les nourrit, les protège. Et du coup, c'est aussi une petite réflexion sur comment ce peuple fait face au changement climatique, comment est-ce qu'il intègre des éléments de la technologie de nos civilisations à nous, occidentales, européennes, comment est-ce qu'il les intègre à ces modes de vie sans bousculer culture et tradition pour résister, pour faire face au climat. Et pour aller voir ce documentaire, ça se passera où ce mardi 27 novembre ? Alors ce sera au Ciné-Palace d'Épinal, vous avez la possibilité de bénéficier d'un tarif préférentiel en réservant auprès de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Et pour les tarifs, donc en réservation, c'est 4,70€ et sinon le jour même sur place, c'est 8,80€ pour les auditeurs qui se posent la question. Effectivement. Mis à part ce documentaire, est-ce qu'il y a... Oui, il y a des expositions aussi qui sont encore d'actualité. Les expositions sont toujours présentes jusqu'au 30 novembre. Vous pouvez les visiter aux horaires d'ouverture pour le Ciné Palace et pour la BMI. À la BMI, nous accueillons l'exposition Au Secours de l'association Voir Plus Loin, qui fait un petit tour de l'état général des ressources en eau dans le monde. Et de l'autre côté, au Ciné Palace, c'est une exposition pédagogique. Pourquoi? Quelles sont les causes? Comment est-ce qu'on peut agir face au changement climatique? Deux expositions dont l'une est de l'ONERC, Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique, et l'autre du réseau Action Climat France. Et pour finir, à la Souris Verte, deux expositions, l'exposition de Jean-Pierre Valentin, l'enjeu des espaces, l'exposition Mutation agricole au Laos de Étienne Géin, de l'association Les Amis Lorrains du Laos. Et de fait, la Souris Verte ouvre ses portes au grand public de midi à 14h et du 17h à 18h. Et voilà, ça c'est pour ces expositions. D'ailleurs, il me semble que l'entrée pour ces expositions est gratuite. Absolument, tous les événements sont gratuits, si ce n'est les événements en partenariat avec des structures qui, par exemple, le cinéma, c'est une séance de cinéma, donc forcément c'est payant. On a quand même réussi à négocier un tarif préférentiel. Pareil, la semaine dernière, il y a eu un concert de Vaitani, sur lequel il y avait aussi un tarif préférentiel. Mais la visite des expositions, la visite des lieux, elle, est gratuite. Donc c'est pour ce festival Grand Angle qui a lieu en ce moment même à Épinal jusqu'au 30 novembre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour ceux qui sont sensibles à la thématique climatique. Et est-ce que, juste pour savoir, la Ligue de l'Enseignement a prévu d'autres actions prochainement qu'on pourrait peut-être médiatiser en avance? Alors là, je vous avoue que c'est la fin d'année, et en fin d'année, en général, ce sont plus les bilans qui ont lieu. Et de fait, non, la Ligue ne prévoit pas de gros événements d'ici la fin de l'année. Par contre, ce qui peut être intéressant de signaler, c'est que pour les vacances scolaires, la Ligue propose encore et toujours des vacances pour tous. Ce sont des colonies qui sont accessibles aux enfants, aux adultes également. Il y a aussi des colonies, enfin des colonies c'est un grand mot, mais des séjours vacances accessibles aux adultes et qui se font dans des tarifs qui permettent au plus grand nombre d'y accéder. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations, Gaëtan. J'imagine que nous avons transmis tout ce qui est nécessaire pour les auditeurs. Très bien. Eh bien, je vous remercie de nous avoir accueillis sur la radio. Eh bien, merci à vous ou à toi d'avoir, d'avoir répondu à mes questions. Très, très bon week-end et à bientôt pour de nouvelles collaborations. À bientôt. Convention tatouage aussi à Mulhouse, cette fois le week-end présent. Donc je rappelle, la Tattoo Convention les 25 et 26 novembre 2018, le samedi de 10h à 23h et le dimanche de 10h à 21h. Elle se trouve au parc Expo de Mulhouse, 120 rue Lefebvre. 6800 Mulhouse, et le tarif est de 12€ par jour, mais c'est gratuit pour les moins de 16 ans, avec justificatif bien entendu. Donc pour les amateurs de tatouage, il y a différents spectacles, un sacré programme qui se trouve sur le site mulhouse.tattoo-convention.fr. C'est pour la Tattoo Convention de Mulhouse, en espérant que cette convention fasse venir beaucoup de monde. Autre événement culturel qui a lieu tout le week-end, les 23, 24 et 25 novembre à la rotonde de Taon Cap Avenir Vosges. Il s'agit du salon de création textile et mode cousu de fil rouge. 50 créateurs exposants travaillant dans la mode, les bijoux, les accessoires, les tissages, l'impression textile, la broderie, etc. Seront présents. Il y aura aussi une exposition sublimant la laine locale à découvrir en avant-première sur le salon, proposée par le Parc Naturel Régional de Lorraine, en partenariat avec la mission Métiers Arts Grand Est dans le cadre du projet Interreg Défi Lorraine. Une exposition textile aussi sera présente de Françoise Vince, brodeuse et coloriste. Il y aura aussi un salon de thé, snacking sur place, des visites de la rotonde, des ateliers images de soie vendredi, ateliers enfants samedi et dimanche et un atelier upcycling, le jean sous toutes ses formes, tous les après-midi avec Evodia et les couturières des Vosges. D'ailleurs, Il y aura au Théâtre de la Rotonde le vendredi 23 novembre à 19h30 le spectacle S, chorégraphié avec Anne Marion et la compagnie L'Aéronef. Le spectacle, la visite privée du salon et l'apéritif sont au prix de 7€. Et le dimanche 25 novembre à 11h, un grand show de coiffure organisé par l'UNEC Vosges, Union Nationale des Entreprises de Coiffure. L'entrée et le spectacle coûtent 5€. Dans tous les cas, pour Cousu de fil rouge, le vendredi 23 novembre, c'est de 14h à 18h, le 24 novembre de 10h à 18h30 et le 25 novembre de 10h à 17h30. Et le prix d'entrée est de 2€, sauf qu'il est gratuit pour les enfants. Le Secours catholique de France organise son 4e festival des soupes. Les équipes locales de la zone montagne se mobilisent. Le samedi 24 novembre 2018, à partir de 16h, place de l'Abbaye à Remiremont, les 8 équipes locales du Secours catholique de la zone montagne lanceront la 4e édition de leur festival de soupes. Comme l'an passé, la place de l'Abbaye sera le lieu de notre rassemblement où le public sera invité à déguster et lire la meilleure parmi toutes les soupes préparées et présentées par les équipes. Après la soupe, rien de tel qu'une petite gaufre, un café ou un jus de pomme chaud pour repartir réchauffé avec le sourire. Cet événement sera également l'occasion pour le public de découvrir les nombreuses activités et actions du Secours catholique en faveur des plus démunis. Donc notre rubrique festival touche déjà à sa fin. On va écouter un cinquième et avant-dernier morceau de musique. Il s'agit de Guiding Light de Blondstone qui sera, je le rappelle, au festival Rock au Lac ce samedi. We'll be right back. Et c'était Guiding Light de Blownstone. Vous êtes toujours dans le billet de sortie Blownstone qui est, je le rappelle, au festival Rock au Lac à la MCL de Gérardmer à 21h le samedi 24 novembre. Ce billet de sortie continue avec la dernière rubrique. Il s'agit de manifestation conférence. Et en première manifestation, j'ai l'annonce d'une manifestation féministe, et oui, on n'en parle peut-être pas assez dans les médias, mais elle est organisée depuis un certain temps. Et j'ai pour ça Malou à l'organisation de la manifestation de Belfort en Fauneur. Je vous laisse avec elle. Tous les médias l'ont déjà annoncé, il y aura des manifestations dans toute la France ce week-end et parmi elles, une manifestation féministe samedi 24 novembre à Belfort pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et pour ça, j'ai Malou au téléphone avec moi. Bonjour Malou. Bonjour Lou, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il me semble que tu es l'organisatrice de cette manifestation pour ce week-end. Exact, tout à fait. Cette fois-ci, c'est une première pour moi d'organiser de bout en bout une manifestation qui aura lieu, comme tu l'as dit, effectivement, le 24 novembre à Belfort, de 14h à 15h. Ça fait combien de temps que vous organisez cette manifestation? Parce que j'imagine que tu n'es pas toute seule à l'organisation. Non, c'est vrai que j'en ai discuté avec mes collègues féministes indépendantes, car nous ne sommes pas un collectif. Nous ne marchons d'ailleurs pas avec nous toutes. Je pense que tu sais que Nous Toutes a prévu de faire une marche aussi à travers toute la France pour lutter contre ces violences. Non, mais merci pour l'info. Voilà, donc on va dire qu'il y a des dissensions entre différents mouvements féministes, car le féminisme n'est pas un seul et uni. Je pense que ça... Tout le monde finira par le comprendre, mais ça ne nous empêche pas, nous, féministes indépendantes abolitionnistes, si tu veux un jour je t'expliquerai ce que c'est, j'expliquerai d'ailleurs à l'antenne si tu en as envie. On pourra avec plaisir faire une émission à ce sujet, si tu le veux bien. Oui, volontiers. Donc ça ne nous empêche pas, nous, féministes abolitionnistes, de vouloir lutter et donc dénoncer toutes ces violences que les femmes subissent chaque année, quotidiennement, depuis des millénaires. D'ailleurs, à ce propos, on en avait déjà parlé au début de l'année pour une manifestation, je crois que c'était le 14 mars. Il en est où le compteur des féminicides pour l'année en France? Ah, tu veux dire le 14 février? Oui, le 14 février, excuse-moi. Voilà, alors attends, il me semble qu'on a dépassé la barre des 100, je vais juste te ressortir ça. Effectivement, on l'a fait le 14 février. Vu que c'est le jour de la Saint-Valentin, le jour qui est censé dire « voilà, je t'aime, machin, truc bidule », et que nous, on dit « bah non, quand un homme tue son ex ou sa compagne, sa conjointe, c'est pas de l'amour, c'est de la... Bah, déjà, c'est de la haine, mais aussi c'est de l'appropriation de la personne ». Alors, si mes infos sont exactes, nous sommes à 108 actuellement, depuis le 18 novembre. Donc, 108 féminicides. Voilà. Et vous êtes là pour dénoncer, lutter contre et dénoncer aussi ces violences que les femmes subissent, parce que j'imagine que ça englobe les féminicides, c'est un fait, mais aussi les autres violences qui ne mènent pas, heureusement, qui ne mènent pas à la mort des femmes. Oui, heureusement, c'est vrai que les violences, il y en a de tous horizons. Il y a le harcèlement de rue, par exemple, ou harcèlement moral, harcèlement au travail, qui peut parfois être vraiment ciblé envers les femmes. Il y a aussi les agressions, oui, les agressions physiques, les agressions sexuelles. Il y a aussi dans le couple un certain nombre de violences, donc les violences conjugales, les viols qui peuvent être ou conjugaux ou perpétrés par des inconnus, mais c'est extrêmement rare. Il doit y en avoir genre entre 3 et 10% de viols perpétrés par les inconnus. Dans la majeure partie des cas, c'est dans un endroit connu par une personne connue. Il y a aussi les excisions, le vitriol, les femmes qui sont mutilées pour x, y raisons, pour des crimes de guerre. Je pourrais t'en sortir plein des formes de violence, mais nous, femmes, subissons toutes ces violences depuis des années à travers toute la planète. C'est un massacre. Alors, si je te suis bien, cette manifestation de ce week-end, mais vous êtes plusieurs à travers la France pour les faire, c'est pour dénoncer les violences que les femmes subissent, mais les femmes du monde entier. Exact. Nous cantonnons pas juste à notre pays. Effectivement, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin. On dénonce tout ce qui se passe à travers le monde, car nous, dans notre pays, nous avons les moyens de faire quelque chose ailleurs. Alors autant le dénoncer, autant faire quelque chose. Autant le faire, en effet. Et comment ça va se passer à Belfort? Où est-ce que la manifestation aura lieu et à partir de quelle heure? Alors, la manifestation aura lieu à partir de 14h et jusqu'à 15h à peu près, entre la rue Pierre-Proudhon et le Faubourg de France, juste à côté de la boutique Galerie Lafayette. C'est un endroit assez passant avec beaucoup de boutiques. Nous espérons justement qu'il y ait pas mal de monde qui puisse être touché par notre cause. Et ce sera une marche où vous serez juste rassemblés pour discuter, pour informer aussi les personnes qui ne savent pas tout ce qui se passe, parce que c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on vit toutes la même vie. Effectivement, donc c'est uniquement un rassemblement, nous n'avons pas décidé de faire une marche. Un rassemblement où on va déjà dénoncer, donner des chiffres, discuter éventuellement, essayer de se confronter à des gens. Bon, je sais par expérience que certaines personnes, on aura beau leur dire « oui mais si, oui mais ça, oui mais il y a ceci, oui mais il y a cela », stop, à un moment stop, vous écoutez ce qu'on a à dire et vous arrêtez de dire « oui mais il y a ceci, oui mais il y a cela », on dénonce quelque chose. Si les gens ne sont pas contents, ils peuvent aussi dénoncer des choses de leur côté. Et pour cette manifestation, vous avez déjà prévu d'être nombreux. Est-ce qu'il y a un événement Facebook qui peut aider à prendre la température? Oui, tout à fait. Il y a un événement Facebook qui s'appelle Rassemblement contre les violences faites aux femmes, qui est, comme c'est écrit, au 24 novembre à Belfort, à partir de 14h le samedi. Et vous pouvez le retrouver. Lou, est-ce que tu le partageras peut-être sur la page de la radio pour nous donner un peu de visibilité? Il sera dans tous les cas indiqué avec le podcast de l'émission des vendredis soirs. Merci. Mais je t'en prie, c'est ce qui s'appelle mon travail. Donc, est-ce que tu as des dernières informations à transmettre aux auditeurs? Oui, toute personne qui souhaite venir est bien entendu la bienvenue, de préférence des femmes. Pour dénoncer, éventuellement pour en discuter. Nous sommes aussi là pour écouter les victimes, pour les soutenir, pour leur donner peut-être des clés. Nous sommes là pour plein de raisons. Nous sommes là contre ces violences et pour les victimes. Donc c'est sur cette note qu'on va s'arrêter. Donc je rappelle, Rassemblement contre les violences faites aux femmes le samedi 24 novembre à Belfort. Tu peux me rappeler les horaires s'il te plaît? Oui, entre 14h et 15h. Super. Entre la rue Pierre-Proudhon et le Faubourg de France. Merci beaucoup Malou pour tes informations. Bon courage pour ce week-end et bonne manifestation. Merci. Merci. Merci Malou pour ta contribution. Ce samedi, à Saint-Dié, dans un décor de Noël, les militants de l'association L214 dénonceront le traitement réservé aux canards et aux oies gavées pour la production de foie gras. Les passants seront invités à deviner le poids de la hotte du Père Noël. Son contenu représentera, rapporté à l'échelle humaine, la quantité de nourriture qu'on force un canard à ingurgiter quotidiennement pour produire un foie gras. Ils se verront proposer un book qui explique, argument à l'appui, la souffrance des animaux lors du gavage qui encourage les personnes refusant d'acheter du foie gras. En effet, un sondage d'octobre 2018 montre que 40% des Français refusent d'en acheter pour des raisons éthiques. Pour cette 6e journée mondiale contre le foie gras célébrée cette année le 24 novembre, les bénévoles de L214 illustreront la violence de la production de foie gras à l'aide de photos et de vidéos issues d'enquêtes de terrain. Ils profiteront de ce début de période festive pour amener les Français à réfléchir sur leur consommation de foie gras. Pour Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association, je cite « Autour des tables de fêtes de fin d'année, le foie gras heurtera la conscience de nombre de convives. Certains refuseront d'en manger quand d'autres en mangeront, par politesse. Le gavage n'a pas sa place dans une société qui prend au sérieux la sensibilité des animaux. La France aurait tout intérêt à montrer sa capacité à remettre en cause une pratique qui est interdite dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne. » Donc ce sera le samedi 24 novembre, 14h30 à 17h, rue Thiers à Saint-Dié-des-Vosges. La Parenté Boutique vous invite pour une nouvelle rencontre le samedi 24 novembre à 10h. Une conférence intitulée « Que veulent dire nos émotions ?» C'est animé par Émilie Onimus, consultante en parentalité, animatrice Faber et Maslisch, praticienne méthode de la méthode LEAA. Elle présentera des différentes émotions, à quoi elles servent, que cachent les émotions désagréables. C'est une conférence pour tout public, sur inscription auprès du Parenté Boutique qui sera indiqué avec le podcast de l'émission. Et cette conférence a un prix de 5 euros. Dans le cycle 2018-2019 des conférences de l'UCP Nancy, Université de la Culture Permanente, les lundis à 14h45 au Centre Culturel Gilbert Zaugue, il y aura une nouvelle conférence. Le lundi 26 novembre à 14h45, une conférence intitulée « Les grandes égéries 1, Mary Laurent, qui a vécu de 1849 à 1900 ». Cette conférence est donnée par Monsieur Claude Beck, professeur d'histoire des arts. Donc rendez-vous au Centre culturel Gilbert Zaugue pour en savoir plus sur l'histoire des arts. La DEMAT H n'a pas fini de faire entendre sa voix car en effet elle continue son travail d'information et de combat contre la fermeture de plusieurs secteurs de l'hôpital et ils organisent d'ailleurs une rencontre. J'ai eu pour cela Jean Tisserand au téléphone, je vous laisse avec lui. Il y a une réunion débat organisée le 26 novembre à 20h30 à la salle La Familiale au Ménil. Cette réunion est organisée par l'ADEMAT H. Et qui de mieux pour nous informer un petit peu plus sur la situation que Jean Tisserand qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean Tisserand. Bonsoir Lou. Alors dites-moi, dis-moi, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on se tutoierait maintenant. On se tutoie, oui, tout à fait. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur cette réunion du lundi 26 novembre? Alors ça va être une réunion d'information de la population vosgienne de la Haute-Vallée de la Moselle et de Romiremont et de la Moselotte, de Gérardmer même éventuellement, pour faire part de grosses inquiétudes qui arrivent de nouveau sur l'hôpital de Remiremont, à savoir que l'Agence régionale de santé veut faire un contrat de performance, c'est-à-dire c'est un contrat financier avec les hôpitaux vosgiens de Remiremont et d'Épinal. Il s'agit en fait d'un contrat d'économie financière de 13 millions d'euros dans un premier temps, qui comporterait la suppression en lit. C'est énorme, hein. Et la suppression de 250 emplois sur les deux hôpitaux d'Épinal et de Remiremont. C'est une véritable catastrophe. Oui, et puis, c'est dans un premier temps ce genre de choses. Donc, la pharmacie de l'hôpital serait fermée, la moitié de la pédiatrie, la moitié des services de médecine, les cuisines de l'hôpital de Remiremont seraient transférées à Épinal, le parking serait payant. Il y a plein de restructurations, c'est quelque chose d'énorme, et c'est surtout la perte des emplois, alors que cet hôpital travaille bien, il a un petit déficit, mais pas très important, parce que 82% des hôpitaux français sont déficitaires à cause de leur mode de rémunération, et surtout on a un personnel qui est déjà en burn-out, qui est déjà surchargé, si on supprime autant d'emplois, Le personnel va craquer, il y aura d'énormes difficultés et ça va être. On va assister à une baisse de l'offre de soins et de la capacité des soins de nos patients des Hautes-Vosges, de la région de Remiremont et du nord de la Haute-Saône. Enfin, c'est vraiment une grosse catastrophe. Et ce contrat devrait être signé par le maire de Remiremont et par le docteur Chamas, qui est président de la commission médicale d'établissement. Je n'ai aucun doute qu'ils vont refuser de signer ce genre de document, parce que c'est suicidaire pour les hôpitaux vosgiens. Voilà. Oui, et puis si je vous suis bien, c'est que le but est de faire des hôpitaux des machines à sous. Voilà, des machines à sous, alors que le soin n'est pas quelque chose qui doit être forcément rentable. On doit soigner les gens au mieux, avec les moyens, tous les moyens disponibles, et apporter des soins de la meilleure qualité possible, sans chercher à faire des économies. Hein. Et en supprimant autant d'emplois, c'est pas possible, on pourra pas faire la même chose. Les gens seront moins bien soignés, ils vont attendre beaucoup plus longtemps. Il va y avoir par exemple une suppression de lignes de garde aux urgences, des choses comme ça, quoi. C'est... alors que les urgences sont déjà surchargées. Hein. Oui, en effet. Et puis, c'est quelque chose de vraiment pas sympa. Donc, et puis dans un deuxième temps, il va y avoir ce plan comporte un deuxième plan. Ce premier plan que je vous ai décrit comporte à peu près 13 millions d'euros d'économies. C'est considérable, c'est énorme, oui. Sur 4 ans. Et puis, dans le même contrat, il faudra faire 12 autres millions d'économies en fermant d'autres services encore. Donc c'est quelque chose d'inconcevable. Voilà, c'est... Et puis on ne sait pas de quel service il s'agit. C'est soi-disant les médecins qui vont s'arranger pour fermer des services, mais ce n'est pas le travail des médecins de faire ce genre de choses. Les médecins doivent apporter des soins, mais ce n'est pas à eux de fermer des services et de faire des restructurations, de couper au ciseau dans le nombre de lits, dans les services, etc. Cette deuxième partie, c'est comme si vous signiez un chèque en blanc. Hein. On ne sait pas du tout ce que ça va comporter. On signe un contrat comme quand on s'engagera à faire aussi 13 millions de supplémentaires d'économies, et on ne sait pas où ça va se faire. Donc, à mon avis, il ne faut jamais accepter ce genre de contrat. Voilà, c'est très très dangereux, et c'est vraiment une agression vis-à-vis des hôpitaux. Voilà. Et surtout des hôpitaux de proximité. Oui. Mais il faut se méfier du terme proximité, bon, parce que en France, on est en train de supprimer des services, enfin des hôpitaux qui faisaient de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, pour les transformer, soi-disant, en hôpital de proximité. Donc ça fait bien plaisir à tout le monde, mais en fait, ces hôpitaux de proximité, c'est des soins de suite de rééducation, de l'EHPAD, de la gériatrie, on fait plus rien d'intéressant, on ferme les blocs, c'est pour de la convalescence, quoi, en gros. Hein, ça va s'appeler les hôpitaux de proximité. Donc, on n'aime pas bien ce terme-là. Hein, en effet. Alors que... mais justement, en fait, faire tous ces, comme vous avez dit, faire de tous ces hôpitaux des EHPAD, c'est quand même pas représentatif du vieillissement de la population française. Il me semble pas qu'elle soit vieillissante à ce point. Pas à ce point-là. Il y aura certainement besoin un petit peu de lits, de gériatrie et d'EHPAD, mais la région de Remiremont, le secteur sanitaire de Remiremont, qui va jusque Gérardmer, jusque La Brèze, jusque Bussan, et tout le nord de la Haute-Saône, comprend à peu près 100 000 habitants. Ces 100 000 habitants, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des couples en âge d'avoir des enfants, il y a besoin de pédiatres, il y a besoin de chirurgie, une crise d'appendicite, des choses comme ça. C'est des choses simples qu'il faut faire sur place. Hein, quand vous venez de la Bresse, par exemple, vous avez au moins 30 km pour arriver jusqu'à Remiremont. Si on vous emmenait jusqu'à Épinal, il faudrait faire 60 km pour une appendicite. Voilà. Et puis, là-bas, on vous trouvait des urgences qui sont débordées, et puis un parking qui est payant. Enfin, c'est vraiment, c'est très lourd. Voilà, c'est très très lourd. Hein. C'est triste pour les hôpitaux vosgiens. On se demande ce qu'ont fait les Vosgiens pour mériter une telle punition. On s'en doute un petit peu, c'est-à-dire que il y a un nouvel hôpital à Épinal qui va se construire, et pour payer cet hôpital, il faut faire d'énormes économies parce qu'il n'y a plus d'argent. Voilà. Mais je crois que le soin, la médecine, la santé ne sont pas des choses qu'il faut restreindre simplement pour un plan financier. Voilà. Non, en effet, ça ne vous empêche pas de protester, vu que j'ai bien compris que vous avez organisé aussi. Enfin, il y aura dans toute la France le 1er décembre oui. une manifestation, oui, oui. C'est bien ça? Oui, le 1er décembre, à l'appel de la Coordination nationale de défense des maternités et des hôpitaux dits de proximité, bien qu'on n'aime plus trop ce terme-là, il y aura des manifestations dans toutes les villes de France. Et à Remiremont, ça aura lieu le samedi 1er décembre à 14h30 au Champ de Mars, avec concert de casseroles, défilé dans la ville devant l'hôpital. Voilà. Et on en reparlera un petit peu, mais je crois que c'était déjà prévu. Et c'est particulièrement aigu, c'est le moment ou jamais à se mobiliser tous dans la région

Et c'était Balkan du groupe Dubiosa Collective qui est, je le rappelle, en concert le vendredi 23 novembre à 20h30 à la Souris Verte avec le groupe Les Trois Fromages, comme je l'avais indiqué un petit peu plus tôt dans le billet de sortie. Et oui, ça va déjà être le moment de se dire au revoir, hélas, mais avant, c'est déjà le moment de faire la programmation. À dès 21h pour le vendredi 23 novembre, vous retrouvez François pour son émission Mosaïque puis Musique jusqu'à demain matin 7h-8h pour la première rediffusion de ce billet de sortie. Je vous expliquerai comment ça se passe pour les podcasts avec la deuxième rediffusion. 8h30, ce sera Les Vosges samedi avec Hélène de RCN, toujours le samedi 24 novembre. Puis 10h, Musette Partie avec Cyril Renaud et dernière rediffusion du billet de sortie samedi soir de 19h à 20h. Pour ceux qui veulent le réécouter pour la musique ou pour des informations qu'ils ont loupées, il sera disponible dès vendredi soir sur notre site internet radioguemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon dans notre page Facebook radioguemozo.eu. Dans tous les cas, les pages, surtout sur notre page Facebook, seront taguées pour retrouver en fait les associations, les initiatives en question pour celles qu'on aura réussi à identifier. Toujours samedi soir, rediffusion de Rock à la Casbah de jeudi dès 21h, puis rediffusion de Jukebox à minuit, donc déjà dimanche matin. Puis 7h, rediffusion de Musette Partie de Cyril Renaud pour le dimanche 25 novembre. Ensuite 10h, rediffusion de Salut les 60 avec Gérard. 16h, J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. Et enfin 18h, rediffusion des années bonheur avec Gilou pour enfin, pour clôturer le dimanche, Jazz Time de Radio Déclic avec 3h de jazz par la suite. On se retrouvera lundi et de bonne humeur, comme je l'avais dit plus tôt, avec Evelyne Gallet pour son album La Fille de l'air, donc lundi 18h, 19h comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end et à lundi tout le monde !